يقول deuxième question هل يحكم بالنار على من غرف من خلال سيرته انه ظالم للعباد ومستهتر بشرع الله وما تلا ذلك ولم يعرف عن توبه وما حكم لعن الشخص المعين للكفار donc il a dit est-ce qu'on juge ou sera au feu celui qui était connu pour être une personne qui est injuste envers les serviteurs, envers les croyants, et qui sous ses passions, qui ne se soumet pas à la loi d'Allah, c'est-à-dire qui désobéit beaucoup, et qui est mort sur cela, sans qu'un repentir ne lui soit connu. Et qu'en est-il de maudire une personne en particulier parmi les koufars ? Est-ce que ce n'est pas mieux ou pas ? Yaqul Al-As ibn al-Muslimin yukhafu Ali bin al-Nar. Celui qui désobéit son père musulman, on craint pour lui qu'il ne soit châtié au feu. أما الحكم عليه بالنار فهذا إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وهذا إذا لم تكن معصيته كفرا أو شركا لكن من هذا الفعل يقول qu'il est au feu ça c'est une chose que seul Allah peut savoir Adam bin Ibn al-Ghaib on peut le savoir nous les services qui ont des obéissances en permanence معروف à la ظاهر نخشى عليه بذلك et le حكم الجاز on ne peut pas le donner dit lui c'est sûr il est au feu tu ne sais pas si il est mort musulman, tu ne sais pas. Mais on craint pour lui. Car si Allah il veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Tant que sa désobéissance, elle n'est pas du kufr ou du shirk. Là, c'est autre chose. أما الكافر والمشرك إذا مات على ذلك فهما خالدان مخالدان في النار. Quant au mécréant et au mushrik, si ils meurent sur leur situation, alors eux seront éternellement au feu. Et ça, c'est une chose que les gens ils ont, de dire, oh, moi je ne dis pas, je ne sais pas ce qui est après la mort, ce qu'il en est. On te dit que s'il est mort kafir, t'as comme Ali bin Nar. T'en laisses parti, vous, jusqu'à dire que c'est du takfir. On dit là, c'est du takfir, Nam. C'est un kafir. On va pas kafir un kafir maintenant, on va kafir qui alors. D'après quoi, dans l'avocat de l'islam Aïe, manam kafir al-mushik. Alors, si Aïe, il faut voir kafir. Au sahah mazhaba. Ceux qui n'auront pas mécréant qui est connu. D'accord ? Ou qui dit que sa voix elle est correcte, mais il mécroit lui aussi. Ou qui doute, même le fait de douter de sa mécréance. Tu doutes de la mécréance d'un chrétien, d'un yahoud, d'un bouddhiste, d'un athée, ou de je ne sais quoi. Tu dis, ah, moi j'ose pas parler. On dit, attention, j'ose pas parler, c'est que tu le rejoignes dans le hukm. Tu dois dire, un âme c'est un kafir. Ou un âme ou un nar. C'est yadib alayk al-takula dal-kalam. C'est obligatoire pour toi de le dire. Maintenant, elle fatra. Celui qui n'a pas mal ce message, ça c'est entre lui et Allah Azzawajal. Les koufars, ils ont pas ce message. Et comme a dit Fibad Ahadith, ils feront, comme c'est Mtahanoun, ils feront éprouver. Comme ceux qui sont morts, Masalan, qui étaient fous, qui étaient malades, comme je ne sais pas, ceux qui étaient trisomiques par exemple, une maladie, ils n'ont pas toute leur tête. Eux, s'ils sont devenus, il y a dit, pubères, ils seront éprouvés au Melkiyam. Ceux qui ont entendu parler de l'islam, mais pas de l'islam pas l'islam. Ils ont toujours vu des arabes qui étaient moins d'islam. Une mauvaise image de l'islam, ils rentrent dans les gens de la fatra. C'est-à-dire ceux qui ont entendu parler de l'islam son vrai jour tel qu'il est, lui, alas, celui qui a entendu que des mensonges, des choses mauvaises, c'est basé là-dessus pour avoir une croyance qui est mauvaise, lui, Inch'Allah, il sera éprouvé. Allah, il sait s'il aurait accepté ou pas la religion. Non. Quant aux enfants, il y a un khilaf, aux enfants des mouchriquines, certains disent qu'ils seront éprouvés, d'autres disent qu'ils sont plus leurs parents, et d'autres avis, qui par exemple comme étant plus fort, c'est qu'ils sont tous au Jannah. Les enfants sont au Jannah. قال أما اللعن فالصحيح أنه يجوز لعن الجنس فيقال لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين أما جواز لعن المعين ففيه خلاف بين العلماء quand on fait de maudire une personne d'accord et اللعن هو الطرد عن رحمة الله la personne tu la sors de la rahma d'Allah tu veux pas qu'elle fasse rahma comme si tu voulais qu'il soit au nar en fait donc il a dit ce qui est permis en réalité c'est de maudire une catégorie de personnes qu'Allah maudisse les menteurs qu'Allah maudisse les injustes qu'Allah maudisse les alcooliques qu'Allah maudisse les kaza et kaza d'accord mais quant au fait de maudire une personne en particulier ça c'est une chose sur laquelle en réalité il y a une divergence comme le chef dit lui-même le cause du jumhur de la plupart des savants c'est pas permis car on ne sait pas même un kafir là il parle du kafir lui le muslim on n'a pas le droit de le maudire comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fait de maudire un croyant c'est comme le fait de le tuer c'est comme le fait de le tuer. Donc là, faire la la'ana d'un mu'min, c'était pas permis. Et le fait de faire la la'ana d'un kafir, il a dit ça, c'est une masala dans laquelle il y a un khilaf entre les ulama. Et le plus prudent, c'est de ne pas le faire. Le plus prudent, c'est de ne pas le faire. Tu sors du khilaf comme ça. Tal'an, al-jins. Amal shas bi'ayni, voilà. Tu maudis la catégorie, pas la personne en elle-même directement.